Ce n'était plus du cinéma, mais un cauchemar. Le comédien Ulrich Mueux avait l'impression que le film continuait, mais dans sa propre vie. Peut-être avez-vous vu le formidable film de Florian Henkel, La vie des autres, l'histoire d'un officier de la Stasi, la police politique est-allemande, qui, pour mieux espionner un metteur en scène de théâtre soupçonné de déviationnisme, obtient de son épouse, une actrice, qu'elle participe à la surveillance de son mari et devienne ainsi une auxiliaire de cette même police. Une fiction, oui. Mais nourrie par des exemples bien réels, puisés dans l'histoire de la Stasi. Servie par un solide scénario, une distribution impeccable et une excellente mise en scène, le film a remporté un succès mérité qui lui a aussi valu de triompher à Hollywood en remportant un Oscar. Ulrich Mueux lui-même a reçu également cette prestigieuse récompense, le couronnement d'une vie d'artiste. Et il est vrai qu'on n'oubliera pas de sitôt les yeux bleus et le visage immobile de l'acteur, casque d'écoute sur les oreilles, qui essaie de percer les secrets du couple qui l'espionne. Mueux, vous le savez sans doute, est mort soudainement l'an passé. Mais avant de disparaître, il a eu la funeste curiosité de prendre connaissance de son propre dossier conservé dans les archives de la Stasi. Et le ciel lui est tombé sur la tête, car il a découvert que, selon toute vraisemblance, l'actrice talentueuse avec laquelle il avait vécu de longues années était une informatrice de la police. Certes, il savait que, comme d'autres personnalités connues, il avait fait l'objet d'enquêtes et d'une surveillance assidue, mais chez lui, dans son propre foyer, au sein de ce qu'il possédait de plus intime, la femme qui dormait près de lui le trahissait, le diable était entré chez lui. La vie des autres n'était plus seulement celle de ces millions d'existences que la Stasi scrutait jour après jour, c'était aussi la sienne, violée par des officiers de la Stasi, qui devaient ressembler au personnage qu'ils venaient d'interpréter à l'écran. La fiction se perpétrait dans la réalité. C'est l'occasion pour M. X de jeter un coup de projecteur sur le système de surveillance de la population le plus considérable jamais mis en place par une police, et qui, des années après la chute du mur de Berlin, continue à provoquer drames et déchirements chez les citoyens de l'ex-Allemagne de l'Est. Les archives de la Stasi n'en finissent pas de vomir leurs secrets, et ce qu'elles révèlent est parfois impitoyable. Moi, ce que je trouve en tout cas extraordinaire, c'est qu'elles aient encore quelque chose à nous apprendre, près de 20 ans, quand même, après la fin de la RDA. Non. Ça s'explique aisément. Il faut d'abord dire que la Stasi, au summum de son activité, comptait près de 180 000 informateurs et qu'un tiers de la population est-allemande était surveillée. Ouais. Alors, imaginez un peu le nombre de dossiers qui ont été rassemblés par les bureaucrates de cette police politique. En outre, si certains documents ont été déchirés à la main, juste avant l'écroulement du régime, les fragments de papier ont été précieusement récupérés. Et les autorités allemandes ont aujourd'hui mis au point des logiciels qui permettent de reconstituer ces rapports. Alors, autant de nouvelles fiches. Et assez récemment, la CIA, qui avait réussi à acheter secrètement des microfilms à un transfuge de la Stasi, vient de les remettre aux autorités allemandes. Donc, on est loin d'en avoir fini, hein. Et les Allemands doivent probablement s'attendre à de nouvelles et désagréables surprises. Quoi, des masques vont encore tomber ? Certainement. Alors, avant de voir par le menu comment a été constitué ce système qui n'a pas eu d'équivalent dans l'histoire. Même dans d'autres régimes totalitaires ? Oui, c'est la vérité. Songez que l'Allemagne nazie, par exemple, ne comptait que 44 000 agents de la Gestapo pour une population de 70 millions d'habitants. C'était déjà 44 000 de trop, hein. Bon, je suis d'accord avec vous, mais en RDA, proportionnellement, les IM, c'est-à-dire les collaborateurs de la Stasi, étaient 20 fois plus nombreux. Car il y avait aussi des fonctionnaires de police qui étaient au nombre de 100 000. Mais qu'est-ce qui justifiait de tels chiffres, quoi ? La peur ? Oui, oui. Oui, la peur d'être débordé. D'une certaine façon, la RDA était un état artificiel qui craignait en permanence de voir ses citoyens fuir vers l'ouest. D'où le mur. Et la volonté d'enfermer la population dans un système quasi carcéral. Il fallait donc éviter à tout prix que le couvercle ne se soulève. Et c'est pourquoi chaque citoyen était a priori une cible. Mais ça, je vous le promets, je vais essayer de démonter l'énorme machine qui a été mise en place par le pouvoir communiste est-allemand. En tout cas, C'est un système qui a connu ses limites, puisqu'il n'a pu empêcher les événements de 1989. C'est vrai. Mais malgré le quadrillage de la population, la Stasi a fait un flop. Elle a sous-estimé le ras-le-bol des citoyens et a laissé monter en force l'opposition. Mais c'est une explication toute personnelle. Les dirigeants est-allemands étaient peut-être là. Ils étaient arrivés au bout. Et puis c'est le système tout entier qui se lézardait. Car les coups de boutoir venaient aussi de leur propre camp. Gorbatchev et sa perestroïka. C'était devenu un château de cartes. Il suffisait donc qu'une seule carte glisse sur la table pour que le château s'écroule. Et c'est ce qui est arrivé à la fin 89. Mais il faut aussi noter que des personnages importants du régime avaient commencé à prendre leur distance. Et je pense en particulier à Marcus Wolf, le tout-puissant chef des services de renseignement extérieur, qui avait renoncé à ses fonctions quelque temps avant le naufrage final. Alors, si vous le voulez bien, et ça vous permettra de mieux comprendre, je vous propose d'abord de m'attarder sur un cas très exemplaire. Qui alors ? Un poète, un certain Sacha Anderson. À la fin des années 70, c'est un grand type, un peu dégingandé, aux lunettes cerclées, toujours mal rasées, le grand duduche incarné. Ah oui, oui, un peu babacool alors. Ah ben, c'était l'époque, même en RDA. Poète, vous dire. Oui, oui, enfin, je suis bien incapable de vous citer un quelconque de ses écrits. Enfin, peu importe. Pour tous ses amis, et ils sont nombreux, Anderson est un poète qui regroupe autour de lui des jeunes qui l'adulent et sont comme lui férus de culture underground. Le jeune homme est alors l'un des personnages les plus populaires d'un quartier emblématique de Berlin-Est et qui s'appelle Prenzlauer Berg. Mmh. Et alors, qu'a-t-il de particulier cet endroit-là ? C'est un quartier à l'origine très populaire, une série d'immeubles casernes construits au XIXe siècle pour loger les ouvriers. Pas très gai. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça ne s'est pas arrangé avec le temps. C'est là, par exemple, que le réalisateur expressionniste Murnau, mais aussi Fritz Lang, ont tourné certains de leurs films. Ouais, atmosphère. C'est exactement ça. Car on y trouve des cours, des arrière-cours, des couloirs. Et curieusement, ce quartier défavorisé a été adopté par des artistes marginaux qui s'y sont installés. C'est si vrai qu'on a commencé à parler dans les années 70 de l'art et de la littérature du Prenzlauer Berg. Une sorte d'école, quoi. Si vous voulez. Et quand vous parlez d'artistes marginaux... C'est au sens propre, parce que tous ces types étaient exclus de l'art officiel, de l'art et des publications officielles. Ouais. Ils n'étaient donc pas très bien vus du régime communiste. Non, car les hiérarques de la RDA considéraient que l'art devait se mettre au service de la société et de la politique du parti. Ce qu'on appelait le réalisme socialiste. Bien entendu. Et notez bien que pour tous les intellectuels qui acceptaient le marché, le pouvoir était excessivement généreux. Les artistes officiels, ils bénéficiaient d'aide. Oui, de subsides divers, mais ça a été le cas dans la plupart des démocraties populaires. L'art officiel devait être encouragé. Mais tandis que les artistes marginaux étaient forcément tenus en lisière. Et faisaient même l'objet d'une surveillance tatillonne. Mais c'était bien sûr le cas, là, de ces artistes du Prenzlauer Berg, c'est ça? C'est ça, oui. Car ces types ne se contentaient pas de développer des idées subversives dans leurs œuvres. C'était aussi, à leur manière, des dissidents. Des dissidents politiques, vous voulez dire? Naturellement. Alors, à l'imitation de ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer, on trouvait au Prenzlauer Berg des groupes homosexuels, des féministes, des chanteurs de rock, des peintres, des sculpteurs et des écrivains. Oui, mais des écrivains qui n'étaient pas publiés. Sauf quand ils réussissaient à faire passer leurs manuscrits à l'Ouest, où les maisons d'édition de la RFA appréciaient l'étiquette rebelle qui les accompagnait. Ouais, c'était pas sans arrière-pensée politique. Enfin, disons que c'était de bonne guerre. Publier les dissidents et leurs textes arrivés clandestinement à l'Ouest, c'était aussi participer à la lutte idéologique contre l'ennemi frère de RDA. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le Prenzlauer Berg est donc devenu une sorte d'abcès de fixation au cœur de Berlin-Est, et qu'on était sûr d'y trouver à peu près tout ce qui bougeait dans une société par ailleurs anesthésiée. Au fond, pour les autorités, c'était assez pratique, cette concentration de rebelles. Elle n'avait pas cherché très loin. Ça n'empêchait pas la Stasi de tisser un véritable filet de surveillance sur toutes les couches de la société. Personne n'y échappait. Alors, je reviens à Anderson, devenu petit à petit le porte-drapeau du Prenzlauer Berg. Ne serait-ce que parce qu'on le voyait partout. Partout, c'est-à-dire... Il promenait sa haute silhouette dans tous les lieux de contestation, dans tous les meetings, dans toutes les manifestations. Et il était incontestablement l'un de ceux qui avaient contribué à faire de ce quartier le centre géographique de l'avant-garde berlinoise de l'Est. Et pourtant, le contexte familial ne l'avait nullement préparé à jouer ce rôle. Ses parents, l'un dramaturge et l'autre conceptrice de dessins animés, étaient en effet de zélés militants du Parti communiste. Ah bah alors la révolte contre les parents pourrait expliquer. Peut-être. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, sa popularité et l'ascendant qu'il exerçait sur ses compagnons devaient aussi beaucoup à l'exil forcé d'un autre dissident, un homme dont vous devez forcément connaître le nom, Wolf Biermann. Un auteur-compositeur très engagé qui était devenu la bête noire des autorités de la RDA. Un homme aussi qui va jouer un grand rôle dans le destin de Sacha Anderson. Parfaits espions, tel est le titre d'un ouvrage de Luc Rosenweg et Yacine Le Forestier sur ce qu'ils appellent les grands secrets de Berlin-Est. J'en extrais ce passage où les deux auteurs analysent l'attitude du pouvoir est-allemand pendant la guerre froide. Les dirigeants est-allemands n'ont eu d'autre choix pendant 40 ans pour maintenir leur dictature et poursuivre en paix leur expérience de laboratoire que de surveiller en permanence leur propre population et la forcer à composer avec eux, empêcher qu'elle ne vote avec ses pieds, selon l'expression de Willy Brandt, en passant de l'autre côté du mur chez le frère ennemi allemand qui l'attendait à bras ouverts. Il a fallu concevoir progressivement un système de surveillance qui couvrit tous les secteurs de la société sans exception. Il était nécessaire de pénétrer la sphère publique, comme la sphère privée la plus intime, afin de tuer dans l'œuf toute velléité de rébellion. Le credo du ministre de l'Intérieur, Erich Milke, n'était-il pas que chaque citoyen est un risque potentiel pour la sécurité de l'État ? Il fallait bien une police secrète à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun devait finalement surveiller tout le monde pour que la fragile construction ne s'effondre pas. La dictature ne tenait que par la peur d'une répression plus diffuse et sournoise que dans les pays voisins du bloc communiste. L'ouvrage « Parfaits espions » a été publié par les éditions du Rocher. Alors un mot, si vous voulez bien, sur Wolf Biermann, car cette parenthèse me paraît indispensable. Fils d'un résistant communiste juif assassiné par les nazis à Auschwitz, le jeune garçon est d'abord un jeune militant modèle. Et où là, à l'est ou à l'ouest? À l'ouest. Wolf passe les premières années de sa vie à Hambourg, où il fréquente le lycée, mais aussi l'organisation de jeunesse communiste, les jeunes pionniers. Oui, c'est les sortes de scouts. Hein. Oui, les scouts rouges, exactement. Puis, en 1953... À l'âge de 17 ans, il passe en Allemagne de l'Est, où il poursuit ses études. Et cela, c'est un choix politique ? Oui, Biermann est un communiste convaincu. Et puis, vous n'ignorez pas qu'en Allemagne de l'Ouest, il devient de plus en plus mal vu d'être communiste. Le parti communiste, il sera même interdit en 1956. C'est juste. Hein, c'est en RDA, Wolf approche le célèbre Berliner Ensemble. Ah, ça, c'est le prestigieux théâtre fondé par Bertolt Brecht. Oui, hein, oui, ça lui donne des idées. En 1960... Biermann crée sa propre compagnie, le Théâtre des ouvriers et étudiants berlinois. Et il se lance dans l'écriture. Mais il ne pourra créer que deux pièces. Pourquoi, hein? Parce que la deuxième de ses œuvres évoque un sujet très délicat, l'édification du mur de Berlin. Un sujet tabou. Oui, surtout quand on l'aborde avec un esprit critique. Conséquence immédiate, Biermann doit renoncer à ses activités théâtrales et se reconvertit dans la chanson à texte. Mais dorénavant, le jeune homme est suspect. Et son premier disque est produit à Berlin-Ouest. Et pas en RDA, non. Et où il est maintenant interdit de publication et de représentation. Mais ça n'empêche pas ses chansons et ses textes de circuler sous le manteau, en particulier dans le Prenzlauer Berg, où Biermann, de plus en plus populaire, est devenu le symbole de la contestation. On le compare même à Bob Dylan, qui dans les mêmes années chante sur les campus américains et critique l'engagement militaire de son pays au Vietnam. Biermann, lui, en est réduit à chanter clandestinement dans les arrière-cours du Prenzlauer Berg. Et j'imagine que les autorités vont finir par faire quelque chose. Ben évidemment. Pour le pouvoir communiste, cette situation n'est plus tenable. En 1976, après un concert donné à l'Ouest, le chanteur est déchu de sa nationalité est-allemande. Il est donc interdit de revenir chez lui ? Ce qui provoque à l'Ouest de nombreuses protestations. Mais les autorités communistes demeurent inflexibles. Alors, au Prenzlauer Berg, là, on doit se sentir un peu orphelin. Ben, d'autant qu'on note un net raidissement de la politique est-allemande. C'est l'époque où de nombreux artistes arrivent à passer à l'Ouest. Nina Hagen et sa mère, par exemple, tandis que d'autres sont jetés en prison. Et Biermann, lui ? Bah, il s'installe dans sa ville natale, Hambourg, et continue à se produire, mais sur les scènes occidentales. Au reste, il faut souligner que son passage de l'autre côté du rideau de fer n'a en rien émoussé son esprit critique, et il ne se prive pas de l'exercer contre la RFA. Bah, là, au moins, on ne le menace pas de la prison. Hein. Bon, alors, finissons-en au moins provisoirement avec Biermann. Son absence forcée permet à Anderson de se hisser au premier rang. Il prend la place de Biermann. En quelque sorte, oui, même s'il n'a pas le talent du chanteur condamné à l'exil. Mais il compense cette infériorité par son intense activité. Et c'est grâce à lui que le Prenzlauer Berg devient un endroit incontournable pour les visiteurs occidentaux en mal de sensations qui viennent de l'autre côté de Berlin. Le quartier de la mode. Où l'on peut acheter des créations artisanales, des toiles et les livres et poèmes interdits. L'endroit abrite même des assemblées où l'on donne des lectures publiques et où l'on débat des écrits des philosophes occidentaux. C'est donc aussi un espace de liberté. Incontestablement, hein. Oui. Ce qui est étonnant, c'est que la Stasi laisse faire. Tout à fait. Bon, alors, risquons des explications. Les autorités est-allemandes estiment peut-être que le Prenzlauer Berg représente une sorte de soupape de sécurité. Ah oui, il convient donc de laisser tous ces contestataires s'exprimer à l'intérieur de leur ghetto culturel. Puis, tant qu'ils n'en sortent pas... Et tant qu'il n'y a pas de risque de contagion, oui. Et puis, il faut observer que Sacha Anderson se garde bien d'évoquer le sujet le plus brûlant, c'est-à-dire celui de la répression à RDA. Oui. Alors, quoi, il laisse ce sujet à d'autres ? Effectivement. Et d'ailleurs, assez curieusement, ce type qui papillonne dans tous les cercles avant-gardistes évite soigneusement de parler de lui-même. Quoi ? Et donc de livrer ses propres convictions ? Alors même que chez lui, dans le très confortable salon qu'il a fait aménager, il reçoit tous les dissidents et met son téléphone à la disposition de ses invités. Le téléphone, parce que vous avez l'air d'insister là, qui est alors installé en RDA avec parcimonie, ouais. C'est ça. Alors... Quand même, tout cela est curieux et mérite une explication. Ah, rassurez-vous, je vais y venir. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que les proches de Sacha Anderson dans les milieux artistiques ne se posent aucune question et continuent à lui accorder une confiance absolue. Que voulez-vous ? Sa porte était toujours ouverte et son hospitalité était légendaire. En outre, Anderson avait tellement de relations qu'il pouvait concourir à les faire connaître. Même sa compagne, Wilfried, ne s'étonne pas. Et pourtant, il y aurait de quoi. Mais quoi voulez-vous parler, là ? Anderson ne cesse de recevoir des télégrammes, tous signés par un mystérieux David. David. Et quel était leur contenu ? Bah, Wilfried en a vu un. Le nommé David lui fixait un rendez-vous et une répétition, sans autre détail. Mais pourquoi la jeune femme aurait-elle été étonnée ? Sacha était un organisateur infatigable de concerts ou de représentations théâtrales. Toujours cette hyperactivité. Et Wilfried, là, ne lui a même pas demandé qui était ce David qui lui envoyait de si nombreux télégrammes. En effet. Alors, bien sûr, le poteau rose va finir par être découvert. Quand alors ? Assez tardivement, presque 2 ans après la chute du mur. Et c'est Wolf Biermann, le célèbre chanteur contestataire passé à l'Ouest, qui est à l'origine de ce coup de théâtre. Je vous raconte. À l'automne 1991, on remet à Biermann l'un des plus importants prix littéraires allemands. Une cérémonie est organisée et il est prévu que le chanteur-poète prononce un discours de remerciement. Ça, c'est traditionnel. Bien entendu. Et alors qu'on célèbre la réunification allemande, tout le monde s'attend à ce que Biermann rende hommage à tous les intellectuels qui se sont courageusement opposés au pouvoir dictatorial des communistes est-allemands. Et effectivement, le chanteur commence par là, en citant les écrivains les plus connus. Mais c'est la deuxième partie de son allocution qui provoque la stupeur. Biermann évoque d'autres noms, qui ne sont pas moins célèbres, et il accuse un par un ces intellectuels d'avoir été des espions au service de la Stasi. Et ici, d'Anderson. Ah oui, c'est le dernier sur la liste. Et Biermann l'agonie d'injures, toutes plus grossières les unes que les autres. Attendez, avant d'aller plus loin, on pourrait imaginer que Biermann ait nourri un certain sentiment de jalousie. Et le fait que Sacha Anderson l'ait remplacé dans le cœur et l'esprit des marginaux du Prenzlauer Berg. Bah, évidemment. Hein. Et c'est aussitôt ce que pensent un certain nombre d'éminents écrivains, dont Günter Grass, qui dénoncent le chasseur de sorcières Wolf Biermann. Ce dernier est même accusé d'utiliser des méthodes dignes de la Stasi. Eh ben. Et Anderson lui-même? Ah ben, il dément, naturellement, avec la plus grande énergie, la grave diffamation dont il est la victime. Mais peu de temps après, en janvier 92 exactement, le gouvernement allemand décide d'ouvrir les archives secrètes de la Stasi. Dans un numéro de janvier 1992, la correspondante de Libération à Berlin, Pascal Hug, rend compte de la tempête suscitée par les accusations de Wolf Biermann. Je la cite. « Vengeur, le chansonnier Wolf Biermann rompait d'un retentissant hachelor, trou du cul, le formalisme guindé du discours de réception du prix Buchner, la plus grande distinction littéraire allemande qui venait de lui être décernée à l'occasion de la foire de Francfort l'automne dernier. Le Gotha littéraire allemand s'entre-déchire depuis sur la pertinence d'une si basse invective décochée à Sacha Anderson, poète avant-gardiste du quartier Prenzlauerberg, vivier punk, néo-baba et dissident de Berlin-Est. L'opposant Wolf Biermann, qui avait été privé de sa nationalité est-allemande en 1976, alors qu'il effectuait une tournée en RFA, accusait Sacha Anderson d'être un vulgaire agent de la Stasi, la police secrète est-allemande. Biermann n'apportait aucune preuve pour étayer sa calomnie. La gentry littéraire s'insurgeait. Günter Grass se choquait de ses méthodes de grand inquisiteur et Stefan Heim se demandait de quel droit le joueur de ballade se posait là en redresseur de tort. Comment Biermann osait-il, avec tant d'obstination et de hargne, mener semaine après semaine dans les colonnes de l'hebdomadaire Der Spiegel une chasse aux sorcières sans aligner de preuves? Alors, vous annonciez l'ouverture des archives de la Stasi. J'y reviens tout de suite. Auparavant, un mot pour expliquer l'ampleur des protestations contre les propos injurieux de Biermann. Il faut bien comprendre qu'à l'Ouest, et plus particulièrement à Berlin, ce qui se passait dans les arrière-cours humides de Prenzlauerberg, à l'époque communiste, était considéré comme une sorte de petit miracle. Oui, c'était le symbole de la résistance. Un poète ouest-allemand a même parlé, je le cite à peu près, d'une parenthèse immaculée, d'une orchidée poussée dans cette RDA si grise, si triste. Et tous admiraient ces contestataires qui vivaient de rien et distribuaient dans les ruelles du Prenzlauer Berg des chefs-d'œuvre misérablement tapés à la machine. Il y avait un peu dans ces louanges une sorte de romantisme révolutionnaire. Oui, certainement. Et le génie qui émanait de ces textes était bien exagéré. Enfin, peu importe. Ça vous explique que les accusations de Biermann ont provoqué un véritable choc parmi ces légions d'admirateurs. Alors, je vous ai dit qu'aussitôt Anderson, parce que c'était la personnalité la plus notable mise en cause par Biermann, a nié avec la plus grande énergie. Non, il n'avait eu aucun contact avec la Stasi et il n'avait jamais été rétribué par la police politique. Oui, mais les archives s'ouvrent. Et dès le début du mois de janvier 92, la loi permet aux Allemands de l'Est de prendre connaissance de leurs dossiers confectionnés par la Stasi. Aussitôt, d'anciens dissidents se précipitent. Il faut savoir qui les a espionnés. Et également qui les a dénoncés. Alors, résultat hein. Les premiers qui consultent leurs dossiers, et parmi eux beaucoup de dissidents qui ont fréquenté le Prenzlauerberg, ont confirmation qu'ils étaient bien surveillés de près par la Stasi. Et ils relèvent les noms des individus chargés de ce travail de taupe. Mais j'imagine que les identités de ces espions ne doivent pas figurer en clair. Naturellement. Aussi sont-ils désignés par des noms d'emprunt, l'un particulier, David Menzel. David, alors, comme le prénom de ce mystérieux correspondant qui envoyait de si nombreux télégrammes à Anderson. Oui, hein. Oui, tant et si bien que, malgré les précautions utilisées par les officiers de la Stasi, ces victimes de la police secrète opèrent des recoupements, et n'ont pas grand mal à identifier Sacha Anderson comme étant l'homme qui les a espionnés des années durant. On apprendra même un peu plus tard, qu'Anderson a été très tôt recruté par la Stasi, à l'âge de 17 ans. 17 ans, effectivement très jeune. Et hein. On se rend compte que le bel appartement où il recevait ses amis fonctionnait en réalité comme un piège. Un piège destiné à attirer les dissidents. C'est ça. Le téléphone mis à leur disposition et le salon permettaient à la Stasi de les écouter en direct. Tout à fait confortablement. Hein. Les micros devaient en effet être installés à demeure. En même temps, on en sait un peu plus sur Anderson lui-même. Contrairement à d'autres collaborateurs de la Stasi, dont je vous reparlerai plus tard, le héros du Prenzlauer Berg n'a nullement été contraint de collaborer avec la police politique. Il apparaît au contraire que le poète a manifesté un empressement certain et qu'il a été un informateur zélé. Ces documents alors, ont donc confirmé les accusations de Biermann. Hein. Absolument. Sans preuve, c'est vrai, le chanteur avait eu l'intuition que Sacha Anderson était un traître. Mais peut-être avait-il bénéficié d'informations que je ne connais pas. Cependant, et c'est assez remarquable, ça n'a pas empêché Anderson de continuer à nier. Contre toute évidence. Certes, mais dans son malheur, si je puis dire, il a quand même bénéficié de quelques mesures prises par des officiers de la Stasi avant la chute finale. Des documents ont été détruits, ou ont tout simplement disparu. Ainsi, on n'a jamais revu un gros dossier de plus de 1000 feuillets qui recensait les activités du petit monde du Prenzauerberg. Un document pourtant essentiel. Hein. Qu'on verra peut-être un jour, hein, si des types de la Stasi ont obéi aux ordres en éliminant un certain nombre de dossiers sensibles, d'autres les ont purement et simplement volés. Avec l'intention de s'en servir pour faire chanter quelques personnages compromis. Bien sûr. Et puis, il y a eu ce marché passé avec la CIA. La vente de milliers de microfiches qui intéressaient beaucoup la centrale américaine. Ouais. Mais celles-là viennent d'être officiellement rendues à l'Allemagne. En principe, oui. Ouais. Mais rien n'empêche de penser que les fiches les plus intéressantes sont restées aux mains des agents de la CIA. Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés n'ont pas procédé autrement avec tous les documents qu'ils ont pu ramasser sur les activités des nazis. Enfin là, je m'éloigne un peu. Oh. Tout ça pose alors de nombreuses questions. Hein. Ouais, je vous écoute. La première, est-ce que dans cette affaire, la Stasi n'a pas joué avec le feu? En manipulant ce meneur des dissidents? Oui, parce que, collaborateur ou pas de la Stasi, Anderson a quand même contribué à accroître la notoriété de tous ces jeunes gens, non? Et donc à populariser leurs idées. À mon avis, c'était le prix à payer pour obtenir les meilleurs renseignements possibles sur cette remonte dissidence. Alors au fond, la Stasi créait, ou en tout cas, nourrissait sa propre opposition. Pourquoi pas? C'était un bon moyen pour la contrôler. N'empêche que, au moins dans les dernières années, la marionnette a fini par échapper à ceux qui en tiraient les ficelles. Non, là, je suis d'accord. Autre interrogation? Oui. Anderson a mené une double vie pendant très longtemps. Presque 20 ans. Ouais. Il fallait qu'il soit particulièrement costaud pour ça. Hein. Sans jamais faillir. C'est ce que vous voulez dire. En effet, oui, parce que ça signifie qu'il a menti pendant toute cette période. Il existe des gens chez qui le mensonge est une seconde nature. Anderson est de cela. Autre chose. Malgré les manœuvres de la Stasi, il a donc été confondu. Hein. Mais a-t-il avoué? Non, il a même imaginé une défense maligne. Il a prétendu que c'était la Stasi qui aurait tout inventé. Mais pour quelle raison, alors? Pour brouiller les pistes. Et si beaucoup de dossiers ont été vidés de leur contenu, c'était parce que les officiers de la Stasi voulaient effacer leur propre turpitude. C'est une défense assez astucieuse. Et qui lui a permis de surnager après la chute du mur. Mais Anderson avait préparé tout cela de longue date. Expliquez. En 1986... le jeune homme quitte Berlin-Est pour Berlin-Ouest. Et les autorités est-allemandes lui ont permis d'émigrer? Tout à fait. Mais attendez, là, s'il quittait le quartier du Prenzlauer Berg, la Stasi devenait soudain sourde et aveugle. Non, car la police disposait d'autres sources. D'autres taux? Malheureusement, oui. Oui. Mais est-ce qu'à Berlin-Ouest, Anderson coupe tout contact avec les services est-allemands? Bien sûr que non. Dans la partie ouest, il va continuer à se rendre utile en créant une maison d'édition. Avant la chute du mur, le poète reste en effet un pôle d'attraction pour tous les dissidents en rupture de ban, mais aussi pour tous ces intellectuels qui essaient d'aider leurs confrères de l'Est. Il est donc à même de recueillir de précieuses informations. Mais la seule différence, ce n'est plus à la Stasi qu'il doit rendre des comptes, mais au service secret est-allemand. Ouais. Sacha Anderson est donc devenu un espion. Mais son employeur reste le même, c'est le gouvernement de son pays. En fait, est-ce que ses services étaient rétribués? Je vous l'ai dit, il a toujours nié. Mais on ne peut pas exclure qu'il ait touché des fonds pour s'installer à l'Ouest ou pour créer cette maison d'édition, quoi qu'il en soit. Pour les Allemands de l'Ouest, avant la dénonciation de Biermann, Anderson reste un personnage admiré. Et en 1987, le ministre fédéral des Relations internationales lui décerne même un prix. Il a donc gardé son image de résistant au régime communiste. Tout à fait. Et après la révélation de Biermann, là, que devient-il? Il faut penser que sa défense et aussi les violentes réactions de Günter Grass ont au moins pour un temps porté leurs fruits. Car en 1992, l'année où le chanteur l'insulte, Anderson se voit attribuer une bourse pour aller résider à la Villa Massimo à Rome. C'est exactement l'équivalent de notre Villa Médicis. Et on y accueille, j'imagine, que des intellectuels de premier plan. Évidemment. Mais petit à petit, son étoile va quand même pâlir. Si la grossièreté des attaques de Wolf Biermann a pu d'abord choquer nombreuses, sont maintenant les informations qui, en se recoupant, ne permettent plus le doute. Anderson était bien l'un des meilleurs collaborateurs de la Stasi. Et nombre de ses anciens amis ont commencé à le fuir. Ainsi, il a voulu écrire une anthologie de la poésie de la RDA, mais la plupart des auteurs lui ont refusé leur concours. Et quand en 2002, il a publié son autobiographie, il a été éreinté par la critique. Alors, mis au banc de la littérature. Oui. Quant à Biermann, l'éternel dissident qui n'a pas la langue dans sa poche, il suscite encore la controverse et en dérange plus d'un à Hambourg où il vit, notamment les anciens communistes ralliés. Mais si vous voulez, car nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet de la manipulation des intellectuels par la Stasi, je vous propose de poursuivre dans un prochain entretien. Et je vous promets des surprises. Et aussi pas mal d'émotions. Avant de nous quitter pour cette semaine, je retourne une dernière fois vers l'ouvrage de Luc Rosenweg, Yacine le Forestier, Parfaits espions, livre publié par les éditions du Rocher. Et je lis ceci, quant aux dénégations de Sacha Anderson. Le plus étonnant, et en même temps le plus significatif dans l'histoire d'Anderson, reste cet entêtement schizophrénique à nier l'évidence, un trait commun à la plupart des collaborateurs de la Stasi. Le refoulement de leurs activités d'espionnage allait si loin qu'ils ne parvenaient plus à réaliser la gravité de ce qu'ils faisaient, avec pour seul salut la fuite en avant dans le mensonge obstiné. Les interviews accordées par le poète au début du scandale furent déconcertantes. Les réponses étaient, la plupart du temps, incohérentes, noyées dans une logorrhée auto-justificatrice d'où émergeaient quelques éclairs de lucidité comme ceci. Tout cela est un mystère complet pour moi. J'ai des difficultés à me souvenir. Dans ce type de situation, on est soumis à une telle pression. On tente de la refouler. Je ne veux tout simplement pas être transformé en bouc émissaire par ces gens qui regardent leurs coupables avec ce regard totalement non différencié. Il est exact, en effet, que la Stasi me tenait, d'une certaine manière, en laisse. Je suis en ce moment très insécurisé et me préoccupe essentiellement de me maintenir en vie, tout simplement pour pouvoir rester debout. Je vous rappelle que La vie des autres, ce film dont j'ai parlé au début de cette émission, est publié, est édité en DVD. C'est un film France Inter. Et